Dans un an, tout sera dit et même. L'imposition du verbe sur un an, la flamme dans un an, tout sera dit et même. Même lorsque tout sera dit, l'imposition du verbe sur un an, la flamme. Dans un an, tout sera dit et même sur. Même lorsque tout sera dit, l'imposition du verbe sur un an, la flamme dans. Dans un an, tout sera dit et même sur la multiplication des noms. Sera dit et même sur la multiplication des noms. La flamme dans un an, tout sera dit et même sur la multiplication des noms, comme le pain fractionné que parcourt l'imposition. Même lorsque tout sera dit, même lorsque tout sera dit, l'imposition du verbe sur un nom, la flamme dans un nom, tout sera dit et même sur la multiplication des noms, comme le pain fractionné. Comme la flamme.